Je ne comprends pas. Прослушайте текст и назовите происшествия, которые якобы случились с господином Je ne comprends pas. Un homme d'affaires américain très riche est fatigué de travailler. Il décide de quitter les affaires et de vendre son entreprise. Un de ses amis l'invite à lui faire une visite en France. Arrivé à Lyon en avion, il fait une promenade à travers la ville. Il admire les cathédrales, les musées, les monuments et de vieux bâtiments de la ville. Le lendemain, il voit des gens qui sortent d'une église. Qu'est-ce qui se passe? C'est un mariage. En anglais, il demande le nom du nouveau marié à un Français. Le Français ne le comprend pas. Le Français hausse les épaules et répond « Monsieur, je ne comprends pas ». L'Américain décide que le marié s'appelle « Je ne comprends pas ». Vers midi, il voit un homme tombé par terre. Son visage est blessé, couvert de sang. Il est victime d'un accident. « Qui est cet homme ?» demande-t-il en anglais. Et on lui donne la même réponse. « Monsieur, je ne comprends pas ». L'Américain devient triste et pense « Le pauvre, il est marié depuis si peu de temps et maintenant il meurt ». L'après-midi, il remarque un cortège funèbre. Il s'approche d'une dame qui pleure amèrement. Il pose la même question. La dame répond sans cesser de pleurer. « Monsieur, je ne comprends pas ». L'Américain, étonné, crie « Je ne peux pas le croire. Le pauvre monsieur je ne comprends pas, marié, victime d'un accident, est mort, tout cela en un seul jour. »